L'intercité numéro 12313 à destination de Maubeuge, départ 16h37, partira voie 9. Il desservira Compiègne, Saint-Quentin, Aulnois et Meudon. Fall könnten sie bestraft werden.